sa vie seule. Son homme il a foutu le camp, sa vie seule. Il voit sa fille de temps en temps, sa vie seule. Seulement elle n'a pas d'argent, sa vie seule. Seulement ça ne plaît pas aux gens, Sarah sur qu'elle en a bavé. Des ronds de chapeau comme on dit, Sarah sur comme vous le savez. Un mari a moins de on dit, Sarah vit sans tout depuis qu'elle s'est trouvée seule sans mari. Sa ravissante fille qu'elle a comble sa vie. Et ça raconte des choses sur elle dans le quartier. Mais ça raconte les fins de mois ne font pas de quartier. Et ça raconte de belles histoires à son enfant, mais ça raconte. Pour son budget, elle se défend. Ça rassure qu'elle en a bavé. Des ronds de chapeau, comme on dit. Ça rassure, comme vous le savez. Un mari a moins de on dit. Ça ravissant tout depuis qu'elle s'est trouvée seule sans mari. Sa ravissante fille qu'elle a comble sa vie. Et ça rapporte son vieux chien jusqu'à l'hôpital. Car ça rapporte rien de garder cet animal. Et ça rappelle les jeux avec lui sur la plage. Mais ça rappelle, elle perd tout son joli bronzage. Ça rassure qu'elle en a bavé. Des ronds de chapeau comme on dit. Ça rassure comme vous le savez. Un mari a moins de on dit. Ça ravissant tout depuis qu'elle s'est trouvée seule sans mari. Sa ravissante fille qu'elle a comble sa vie. Et Sarah Dean, de peu ou de rien, ça arrive, Sarah Dean. C'est pour sa fille qu'elle se prive et ça ramollit le corps d'avoir stoppé le sport. Si ça ramollit son caractère n'en est que plus fort. Ça rassure qu'elle en a bavé. Des ronds de chapeau comme on dit. Ça rassure comme vous le savez. Un mari a moins de on dit. Ça ravissant tout depuis qu'elle s'est trouvée seule sans mari. Sa ravissante fille qu'elle a comble sa vie.